Quand les mamans n'ont pas le temps de bercer les petits berceaux, Monsieur le vent vient doucement bercer les petits enfants. Quand une abeille bleue de soleil près d'un enfant s'émerveille, Monsieur le vent vient doucement faire danser les fleurs des champs. Arthur regarde et voit les nuages blancs qui se déplacent dans le ciel. « Qui es-tu, monsieur le vent ?»« Tu ne me vois pas, je suis invisible, mais je suis le souffle d'air que tu respires. » Arthur écoute et entend. « Je suis le souffle d'air qui te permet de respirer, l'alizée, le petit vent heureux, le zéphyr, la brise marine légère qui câline, le vent coquin qui fait de la musique dans les arbres, le vent de la pluie qui te rafraîchit. » Le vent du nord qui entête, le vent du sud qui souffle très fort, le vent d'autan qui hurle, le vent du désert qui déplace les grains de sable dans les dunes, le vent glacial et la bise glaciale qui font froid et nous glacent, le vent qui se fâche et nous fâche, le vent qui annonce les orages, le vent marin qui rassure en pleine mer et pousse les voiliers et les bateaux, mais aussi la tornade et le cyclone et la tempête qui se déchaînent et rugissent sur les mers et les océans. Le vent impétueux qui surprend et nous déçoit quand il ravage. Le bon vent qui dirige les oiseaux dans le grand voyage de leur migration à travers la planète Terre. Celui qui porte et transporte les avions. Et surtout, celui qui a dans son bagage le pollen des fleurs et des poussières de semences qui se déposent et redonnent la vie sur toutes les terres de notre planète. Je suis le vent qui porte la vie. Quand les mamans n'ont pas le temps de bercer les petits berceaux, Monsieur le vent vient doucement bercer les petits enfants. Quand une abeille bleue de soleil près d'un enfant s'émerveille, Monsieur le vent vient doucement faire danser les fleurs des champs.